for Ukraine is the particular challenge to Reznitsky. Acho que ele foi longe demais nos seus métodos. Não se coaduna com a natureza das nossas discussões. Dr. Kissinger encontrou-se com Vladimir Putin mais de uma dúzia de vezes. Conhece os seus pensamentos. Em relação à doutrina nuclear russa, para si qual é a linha vermelha que pode indicar o uso ou não desse poder nuclear? Enquanto a guerra for sobre a libertação da Ucrânia, os sacrifícios implicados podem ser justificados e suportados pela opinião pública. Quando se torna uma guerra sobre a Crimeia, a história muda de figura. A prontidão da Rússia para aumentar a intensidade pode ser maior. Acho que a Rússia cometeria um enorme erro se aumentasse a intensidade para as armas nucleares. E nós, na NATO, temos de evitar que a guerra na Ucrânia se torne numa guerra sobre a sobrevivência da Rússia. A introdução de armas nucleares, se introduzidas, tem de ser tratada como um assunto de maior gravidade. Não pode ser olhada apenas em relação a um indivíduo. Deve ser tratada com grande gravidade pelo Ocidente. É do interesse do mundo que a arma nuclear não se torne uma arma convencional que se pode usar para aumentar o conflito. O antigo conselheiro de diversos presidentes norte-americanos admite que Vladimir Putin está focado na sobrevivência territorial da Rússia e nesta fase do conflito a Ucrânia não deve abdicar do território para conseguir a paz. Ainda não estamos nessa fase porque 20% do território ucraniano está ocupado pela Rússia e tem de ser devolvido antes que se fale de paz na discussão. Estamos a chegar a um momento no qual o fim da guerra tem de ter em conta os objetivos políticos, mas também ter em conta a situação militar. A situação na Ucrânia, no seu início, era composta por duas partes. Uma era a Ucrânia ocupada pela Rússia desde há 10 anos. O resto da Europa e a América nem se interessavam por isso. A segunda questão é que a Ucrânia só existiu no dia em que começaram a invasão e a agressão russas. Acredito que se a defesa da Ucrânia chegar àquelas fronteiras, impede a Rússia de qualquer conquista. Nesse caso, uma negociação pode começar sobre as relações futuras. Quando a guerra acabar, haverá uma pergunta que terá de ter uma resposta. A Rússia ver-se-á como extensão da Europa ou como extensão da Ásia nas fronteiras da Europa? A Rússia deve desempenhar sempre um papel importante, desde que reconheça as alianças estabelecidas para garantir a segurança na Europa. Da Ucrânia, seguimos para as relações entre a China e os Estados Unidos. O negociador da paz no Vietnã, mas também o homem que deu luz verde à invasão indonésia de Timor-Leste, admite faltar uma linha de trabalho conjunto. Tanto a China como os Estados Unidos são países que têm uma visão deles próprios como excepcionais, únicos, mas de uma forma diferente. Os americanos pensam que resolvem os problemas de forma pragmática, um de cada vez. Os chineses estão convencidos que chegam à solução ao fim de um longo e paciente caminho. O problema que agora existe é que não há um diálogo efetivo entre a China e os Estados Unidos da América. É uma questão de encontrarem um modo de coexistência face às novas condições. É um desafio para os dois lados. A China e os Estados Unidos necessitam de estar em constante diálogo. Eles não precisam de concordar em tudo, mas têm de concordar numa coisa. Não podem estar num mundo com uma guerra entre eles. Uma guerra entre a China e os Estados Unidos seria uma catástrofe para os dois países e para o mundo. Would be a catastrophe for both countries and for the world. Nesta entrevista, o livro Liderança também foi assunto. Henry Kissinger escreve sobre seis líderes políticos já desaparecidos.

Très bien, 13h passé de 30 minutes. Bonjour à tous et à toutes, c'est vous, première écoute. Voilà donc, nous sommes ensemble pendant quelques heures avec bien sûr l'émission de l'accordéon. Juste à l'instant, on a pu débuter l'émission avec Le soleil doit briller pour tout le monde. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec deux morceaux de valse. Et puis juste après eux, on écoutera tout simplement du côté de la marche. We'll be right back.

comme il était hors la loi. Par ici, il repassera par là. Il se profile dans la nuit, trois chevreuils sous le bras. Il vient de passer par ici, il repassera par là. Le grand rabouille aux berrichons, on l'attrapera comme ça. Le braco des Bonancômes partira en prison. Le braco des Bonancômes, et quand ils dormiront, le braco des Bonancômes partira à tâtons. Le braco des Bonancômes ramènera un cochon. Il vient de passer par ici, il repassera par là. Il se profile dans la nuit, un cheval sous le bras. Il vient de passer par ici, il repassera par là. Le grand rabouille au berrichon, on l'attrape pas comme ça. Dans la nuit, un cheval sous le bras. Il vient de passer par ici, il repassera par là. Le PNL sur Arc-en-Ciel. L'après-midi, nous décidons de danser. Pour de musette et un peu de variété. Et quand résonne le son de l'accordéon, après un passo, une valse tango, nous attendons. Petite java, entre toi et moi, ça me fait perdre la tête. Danser un petit pas et sentir tes pas autour de moi, Dieu c'est chouette. Écouter le son de l'accordéon des compagnons du musette. Ça me donne à moi un je ne sais quoi et rien ne m'arrêtera. De danser comme ça, collé contre toi, la java c'était pour ça. Voici donc, vous avez pu entendre tout simplement la samba, tout simplement, et un petit coucou au Véro. Voici donc les deux titres, tout simplement, voici le slow et le passe-double. Quand on a 40 ans, c'est papa, c'est maman, on élève nos enfants. Quand on a 50 ans, c'est déjà la mi-temps, on n'y croit pas vraiment. Chacun son chemin, c'est la norme des stars. cette chanson. Tous les paysans, toutes les paysannes, tous les paysans dansent dans leur campagne. Tous les villageois et toutes les villageoises, tous les villageois dansent sans entreprendre. Deux pas à gauche, deux pas à droite, un petit tour et ça y est, ça recommence. Deux pas à gauche, deux pas à droite, un petit tour et puis hop, c'est reparti. Et puis juste après Yvette Turner. Eh bien, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Donc le titre s'appelle tout simplement « À la belle France » et puis juste après Émile Prudhomme. Voici Émile Prudhomme et c'est la polka. Voici donc, il s'appelle tout simplement Jérôme Richard, qui nous amène du côté de Nantes. Le titre s'appelle Le Passe Nantais. essentiel, un amour de FM. Revoici tout simplement, et bien il est en air et le titre s'appelle tout simplement Que reste-t-il de nos amours. Et puis deuxième encore elle avec Mon homme. We'll be right back.

La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Le titre s'appelle tout simplement Le maire le chante. Et puis juste après lui, on écoutera une autre chanson musique en accordéon des oiseaux avec Émile Prudhomme avec Abad d'oiseau. Aussi bien qu'à la montagne. Pépito, t'es un peu dingue, mais le populo t'admire, assez poussé du délire, quand on peut dire la Pépito. toi. Une radio pour moi. Notre radio. Voici donc que de la Java et puis juste près de la Musette Show. Arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc, je vous laisse avec tout simplement Alexandre Morinier avec la Java. Et puis juste après, Olivier Salac. Thank you. Festival Radio Arc-en-Ciel. Le Festival des Saints Populaires aura lieu le 9 et 10 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Samedi, à partir de 18h, défilé de 3 groupes de tambours. Barbecue géant, avec sur scène le samedi, le groupe Energia. Marquito, dimanche, dès 9h, émission en direct du parc. Repas animé par Tony de Porto. Sur scène, Valentina Ferrari, Tony de Porto, Elena Correa, Nel Montero, Léo et Leandro. Fin des festivités avec les 3 groupes de tambour. Venez nombreux. Arc-en-ciel, un amour de la scène. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-ciel. Voici donc du Boston. Et puis après, tout simplement du country. Touche bientôt à sa fin, donc avant de s'exiter, voici donc eh bien les programmes pour demain lundi. Donc demain à partir tout simplement lundi à partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky, juste après entre 9h jusqu'à midi avec Jean-Pierre, l'émission Vers Matin. Et puis à partir en soirée, à partir de 17h jusqu'à 19h, avec Fernanda 100% Union, juste après elle, avec 19h-21h, avec Manu on the Rock, et puis juste après, tout simplement le sport, avec la rédac du sport, avec Rémi, entre 21h jusqu'à 23h. Voilà donc, eh bien, l'émission va toucher à sa fin. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi avec plusieurs types d'accordéon. On se retrouve à la prochaine. Voilà donc. Et donc, bonsoir à tous et à toutes. 3 horas em Portugal Continental e na Madeira, 2 nos Açores. Em destaque na atualidade. Já terminou o congresso do PSD. O novo líder do partido rejeita um referendo sobre a regionalização e fecha também a porta a entendimentos com o Chega. Guerra na Ucrânia. A Rússia anuncia que tem o controle total da região de Lugansk. A tarde pode entornar. Entram na conta da meteorologia entre a chuva, por vezes intensa, possibilidade de granizo e trovoada no norte e centro. Na Madeira, menos nuvens a sul, possibilidade de aguaceiros a norte e terras altas, abertas nos Açores, mas com chuviscos no grupo central. A esta hora, 21 graus em Ponta Delgada, 22 no Funchal, 23 no Porto, Faro com 24, Lisboa com 25. Notícias, edição de Miguel Bastos. O novo líder do PSD rejeita um referendo sobre a regionalização em 2024. O anúncio foi feito no discurso de encerramento do congresso que decorreu no Porto e onde Luís Montenegro fechou também, João Vasco, a porta a entendimentos com o Chega. Se a porta não ficou fechada, ficou muito encostada. Houve um Chega para lá ao Chega. Luís Montenegro garante que com ele na liderança o PSD...